Bonjour à tous, chères auditrices et auditeurs. L'association Ralentir pour vivre reçoit aujourd'hui Hervé. Il nous apporte son témoignage de l'épuisement, appelé plus communément burn-out, dont il a été victime. Ce phénomène touche actuellement plus de 3 millions de la population française et ce sujet est relativement tabou. C'est donc dans le but de rompre le silence que nous avons organisé cette rencontre. Je vous remercie beaucoup de votre écoute en vous souhaitant bon après-midi en notre compagnie. Bonjour Hervé. Bonjour Catherine. Merci d'être ici présent pour ton témoignage. Alors je vais te demander déjà en premier de te présenter. Je m'appelle Hervé, j'ai 49 ans et j'habite actuellement à Lévoir, près de Bain-les-Bains et très proche d'Épinal, enfin une vingtaine de kilomètres. Actuellement, je suis au chômage, toujours inscrit au chômage et j'ai un complément d'activité avec la comité d'agglomération d'Épinal, où je m'occupe du transport sur la Vosges des Bains et d'une partie cinéma et entretien des bâtiments administratifs. Voilà. Alors effectivement, on va rentrer directement dans le vif du sujet et notre première question va être comment as-tu vécu le premier jour, je dirais, de la prise de conscience, en tout cas le premier jour où tu as senti que tu étais dans cet épuisement? Déjà, en fait, il y a déjà une descente par rapport à ma vitalité propre et tout un ensemble de choses, un climat autour de moi, en fait, qui se dégradait. Et c'est un peu ça qui m'a fait aller vers le burn-out, où en fait je n'avais plus mon équilibre en fait. J'ai un peu brisé mon équilibre et du coup ça m'a conduit petit à petit en fait à m'épuiser. Voilà, donc le premier jour où tu peux dire que tu t'es senti en burn-out, comment tu l'as vécu ce premier jour? Avec vraiment une incapacité de pouvoir me rendre au travail en fait. Ça a commencé en fait à avoir de la fatigue et jusqu'au moment où j'ai dû reprendre après 3 semaines, 1 mois de maladie. Et en fait tout simplement je n'ai pas pu reprendre en fait. J'avais ce besoin d'arrêter en fait. En quelque sorte, certains traduisent ça par tu n'as pas pu sortir de ton lit quoi en gros. Non, là c'était différent, je me suis retrouvé au boulot. Alors, il y a aussi, ça peut aussi paraître bizarre, mais je me suis retrouvé en fait à descendre l'escalier, à être dans la cour. Et spirituellement, on peut appeler ça, enfin, moi j'avais mon âme d'un côté, j'avais mon corps de l'autre, si tu veux, qui était complètement dissocié. Et je n'y arrivais plus. Ça veut dire que j'avais besoin de m'échapper en fait. Alors après, est-ce que c'est une. Enfin. Je sais pas trop, c'était pour moi quelque chose de nouveau, même si peu de temps avant, si tu veux, j'étais un peu rentré dans un cheminement vers moi. Et ça, c'était vraiment la conclusion de mon. Du trop-plein, je dirais. Mais qui était lié à mon activité, qui était lié à mon environnement, comme dit, proche, où j'avais recueilli quelqu'un chez moi aussi. Et ça ne s'est pas forcément bien passé. J'avais joué un peu le sauveur et je m'étais un peu épuisé avec cette personne. Et donc, comment a réagi ton entourage privé déjà? Alors, quand ça s'est passé, en fait, j'étais en liaison avec une médium. Et je suis parti. Mes enfants sont assez grands. En fait, ils sont grands. Ils ont 17 et 19 ans. Ça fait un an et demi. Donc, 20 ans d'attaque. Il devait avoir 18 ans et demi et 16 ans, en fait. Et j'avais ce besoin, en fait, de partir. J'ai vécu quelques mois avec la personne, la médium. Je parlais d'Elphine en fait, avec qui j'ai vécu quelques mois, mais Ça a vraiment été un besoin. Et la personne qui vivait et que j'avais accueillie chez moi, en fait, je lui avais précisé que j'allais partir. Et du coup, il avait trouvé un appart. Mais c'était aussi l'événement déclencheur qui a. Mais donc, du côté entourage, j'ai de la chance d'avoir une famille formidable. Donc, ils m'ont jamais jugé, ils ont toujours essayé de me conseiller et toujours en respectant mes choix. Donc, bienveillant, avec une envie bienveillante de te conseiller, mais sans jamais avoir t'influencer à tout prix, quoi, en voulant t'imposer leur point de vue à eux. Et c'est juste formidable, quoi, de pouvoir le vivre de cette manière-là, quoi. Et ton entourage professionnel? Alors, j'avais un chef d'équipe. Là, c'est pareil, au niveau professionnel, c'était un peu difficile parce que tu t'en doutes bien que le burn-out, en fait, c'est bien souvent. Tu n'arrives plus à la fin, en fait. Tu as un dossier après l'autre qui arrive et tu vois plus le bout. Et en plus, tu ne maîtrises pas tout ce que tu peux faire parce que tu es. Enfin, aller au bout des choses parce que tu es en attente sur d'autres personnes et ça n'avance pas, quoi. Et à un moment donné, c'est pour ça que ça c'est. Ce burn-out, il est dû au professionnel, mais au personnel aussi. Et ma hiérarchie, par contre, a très bien réagi et a été très conciliant, où j'ai pu faire en fait une rupture conventionnelle. Ah, bien. Et mon chef direct était vraiment très compréhensif. Il m'a tout de suite mis en relation en fait avec la RH. J'ai pu en discuter tout de suite, il m'a appuyé par rapport à ce besoin que j'avais en fait de partir et d'arrêter là. Après, il y a peut-être une conjoncture économique derrière aussi, hein, puisque on était sur un contrat qui se finissait avec un client, et puis peut-être qu'il y avait également derrière un besoin moindre d'effectifs, quoi, une diminution d'effectifs. Tu pars du principe qu'en fait, effectivement, ça correspondait peut-être à quelque chose qui arrangeait tout le monde. Pas à l'instant T dans mon départ, mais au vu la suite des événements, ça pouvait arranger effectivement. Donc, ça n'a pas été ni un problème personnel dans ta vie privée, ça n'a pas été mal interprété, ni dans ta vie professionnelle. Pas du tout, non, non, dans aucun des deux en fait. Et je n'ai plus aller au boulot, comme j'ai dit, mais j'ai quand même laissé les billes à mon chef pour pouvoir continuer ce que j'avais en cours. Parce que malgré ça, si je n'ai plus aller au boulot, j'ai quand même. Ça s'est terminé le jeudi, je suis parti et je devais rendre mes affaires le lundi. J'ai bossé le jeudi et le vendredi chez moi pour pouvoir finir tout ce que j'avais à finir. Et au lieu de rendre mes affaires le lundi, j'y suis allé le samedi matin. J'ai tout rendu. J'ai dit, je ne peux plus. J'ai dit, je ne peux même plus revenir. J'ai dit, c'est pour moi, c'est juste, j'y arrive plus. C'était vraiment le bout du bout par rapport à cette expérience professionnelle-là. Ouais. Nous allons faire une petite pause musicale avec la pianiste Auriel et un morceau qui s'intitule Valse ténébreuse. Nous retrouverons Hervé après cette pause musicale. Thank you. justement par rapport au bout du bout, alors c'est intéressant qu'on puisse voir un peu comment tu l'as vécu, je dirais, et dans ton corps et dans ton âme également. C'est-à-dire, quelles sont les choses que tu as vécues qui étaient très fortes à ce niveau-là. Dans le cadre de l'association, on a donc listé un peu les manifestations qu'ils peuvent avoir physiques déjà. On va commencer par celle-là. Quoi qu'il peut y en avoir d'autres, donc tu pourras aussi peut-être nous en donner d'autres facettes. Nous, on parle souvent de manifestations, ce qu'on appelle somatiques, c'est-à-dire des plaintes et des douleurs qui, quelquefois, tu vas voir le médecin et en fait, il ne trouve rien du tout. Donc, dans ça, il y a les douleurs abdominales, musculaires, aux articulations, les ulcères, troubles gastro-intestinaux, mais il peut y en avoir encore d'autres, ou troubles alimentaires. Est-ce que tu as eu connu quelque chose comme ça, physiquement? Alors, déjà, diminution de la joie, déjà. Ça, c'est sûr, et là, ça, c'est une certitude. Ensuite, effectivement, côté gastrique, c'était un peu compliqué. Et fatigue. Mais Fatigue. tout ce qui était Et. physique, par exemple, tu as été voir un médecin, puis qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je lui expliquais surtout mon mal-être au boulot et ma fatigue chronique en fait. D'accord, mais par rapport au problème physique, est-ce qu'il donnait une réponse à ça? Par rapport justement, alors ces troubles gastro-intestinaux, bon ben, ils peuvent être gastriques, ils peuvent être autres, ou troubles alimentaires. Est-ce que tu as connu ce genre de problématique? Moi, j'ai connu ce genre de problématique, mais sans qu'il y ait vraiment de diagnostic qui puisse. Être J'ai fait posé. coloscopie, endoscopie. Ah oui, donc c'était bien le but de ma question. Donc tu as fait ça, mais ils n'ont rien trouvé derrière. Mais tu avais le problème physique. Oui, c'est bien, ça correspond bien à ça, c'est-à-dire ces troubles somatiques auxquels la médecine ne peut même pas donner de réponse, parce qu'on ne sait même pas d'où ils viennent. Et on ne sait pas leur origine. Et pour ce qui était des douleurs musculaires, est-ce que tu avais des problèmes d'articulation, de dos? Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Pendant cette période-là, je n'ai plus de souvenirs en fait par rapport à d'éventuels problèmes de dos. Et par rapport aux réductions des défenses immunitaires, nous on parle souvent de ça. Est-ce que par exemple la moindre grippe qui passait était là, elle était pour toi? Oui, à un moment donné, ouais, j'étais rarement malade. Ouais, à cette époque-là, effectivement, j'avais dû choper la grippe. Ouais. Et depuis d'ailleurs, je suis quasiment plus malade, en fait, ça fait bien longtemps. Et donc, bon, ça, c'est les troubles physiques qui peuvent être multiples et autres. Et il y a aussi ce qu'on appelle les. Bon, tu en as parlé, donc un changement dans la motivation. Oui, là, c'était vraiment la dégringolade. C'était vraiment des dégringolade. Mais c'était aussi dû, comme j'ai dit, parce que j'avais hébergé quelqu'un chez moi qui avait rien demandé en fait. Donc j'ai joué le sauveur. Et en fait, je m'épuisais. Parce que c'est une personne qui ne se prenait pas en main. Et du coup, c'était quelqu'un qui n'était pas forcément dans la joie. Et quand en fait, tu salues quelqu'un tous les jours et puis te dit ouais ça va mais que t'as l'impression qu'il a enterré quelqu'un c'est que c'est compliqué et plus moi bah je veux dire j'ai deux enfants donc voilà j'avais toute la partie moi course à faire appart enfants donc Donc, par rapport à ta motivation professionnelle, ce fameux moment où tu es sorti et tu t'es dit j'avais mon corps d'un côté, mon âme de l'autre, qu'en était-il de cette motivation professionnelle? Ben, moi, c'est toujours un boulot que j'aimais. Et pendant quelques mois, en fait, je n'y trouvais plus d'intérêt, en fait. Donc, il y avait plus de. Ça ne me nourrissait plus, en fait. Malgré que ça faisait des années, en fait, que j'avais fait ça pour un grand groupe automobile et après, en fait, pour la société qui m'employait. Mais là, j'y trouvais plus mon compte, en fait. J'ai une démotivation totale, ouais. Et puis, est-ce que tu avais des doutes sur tes propres compétences? Pas à ce moment-là. Non? J'avais encore cette confiance en moi. C'est quand alors qu'elles sont parties? Après, ça a été. Ouais, ça a été vraiment des. Durant 1 an et demi, en fait, un grand cheminement vers moi, mais avec beaucoup d'expérience. Et en fait, ben ouais, on n'apprend jamais. Voilà, on n'apprend jamais dans la. Enfin, souvent, les expériences qui nous font grandir, c'est celles qui nous maltraitent un peu, on va dire. C'est ça. Nous allons faire une autre petite pause musicale avec notre pianiste Auriel et un morceau qui s'intitule La rencontre. Nous retrouverons après Hervé pour la suite de son témoignage. Et puis dans le changement de comportement, est-ce que tu avais une sensation de repli sur toi-même? Ah, tout à fait. Tout à fait. Et j'en sors à peine, là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais du mal à faire la distinction entre le besoin d'être seul et le repli sur moi. Et cet enfermement, en fait. Et ça a été loin. Après, j'allais méditer, j'allais en forêt, c'était super, machin et tout. Mais là où je me suis posé des questions, c'est quand j'arrivais même plus à conduire dans une grande ville. Ah oui. Ça veut dire qu'on se retrouvait face à des sens interdits, à des stops, à des trucs. Et à un moment donné, c'était la panique. Et là, je me suis dit, mais là, il y a un problème. Une sorte d'agoraphobie, quoi. Ben, tu veux vivre des choses, en fait. Parce que tu entends des choses, et puis à un moment donné, tu te dis qu'il n'y a plus que deux sentiments, l'amour et la peur, on va dire. Et tout ce qui entre, tu ne veux plus le vivre. Et tu commences à finalement perdre confiance en toi, sans même t'en rendre compte. Parce qu'au début, tu as confiance, et après, tu te dis toujours, tu as toujours confiance, sauf que non. À un moment donné, tu es tombé dans un truc où tu es dans la peur, là, tu n'es plus dans la confiance. Là. Et tu as glissé là-dedans petit à petit. Et en fait, à tel point que tu ne peux même plus voir, entre guillemets, pas voir tout le monde, tu vois tout le monde, mais tu t'es enfermé en fait. Tu t'es enfermé tout seul. T'as pas besoin de secte ou de machin, tu t'es enfermé tout seul en fait. Et là, dans la reprise d'activité, justement, j'ai pu voir à quel point en fait j'avais peur. C'est-à-dire que les deux premiers jours, je serais parti en courant. C'est des choses que je savais faire, comme où il y avait beaucoup de choses à apprendre parce que justement je remplaçais quelqu'un qui allait en congé. Et où, mais c'est pas grave, c'est des choses qui étaient maîtrisables. Mais c'était vraiment. T'avais des montagnes en face de toi, quoi. Dans l'explication, dans les conférences qu'on avait données, le docteur Koifik avait donné, il y a une explication très, très pragmatique. Hein. Ça s'appelle un post-traumatique, un trouble post-traumatique. C'est-à-dire qu'en fait, le burn-out ou l'épuisement est plus un traumatisme qu'une maladie. C'est-à-dire que ça a fait appel à des réactions chimiques en soi qui sont vraiment des traumatismes, des maltraitances, hein, en quelque sorte. Voilà. Et après, il y a le trouble post-traumatique. Donc là, tu es en plein dans le sujet du trouble post-traumatique. C'est pour ça qu'il est souvent conseillé de ne pas reprendre le même emploi. Parce que déjà, même un autre emploi, ça va déjà être complexe. Parce qu'il suffit que quelque chose nous rappelle pour que, flaf, ça se rallume. Mais c'est pour ça qu'il est conseillé de ne pas reprendre le même emploi. Donc justement, par contre, par rapport à ça, en plein crash, on va dire ça comme ça, nous on parle d'attitude impersonnelle, détachée, négative, voire cynique. Est-ce que tu as connu ce genre de moment ? Moi, je suis quelqu'un d'assez hypersensible. Mais, dans ce laps de temps, de cette période-là à aujourd'hui, où je me rends compte qu'effectivement, il y a un certain détachement. Et ce besoin, parfois, il y a des besoins où on a besoin de se centrer sur soi pour avancer. Et après, il y a le besoin de... C'est parfois égocentrique, et mais un besoin parfois qui va trop loin dans l'envie d'être vers soi. Après, tout est juste. Hein. Ce ne serait pas par hasard un petit instinct de survie ? Peut-être un instinct de survie. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Vu d'un autre angle. Vu d'un autre angle. Ouais. Oui. Oui. Seulement, la société nous culpabilise vite. Oui, les croyances. Voilà. Sociétales qui... Voilà. Mais ça a un petit côté. Mais bon, le côté cynique, détachement, alors c'est sûr. Mais cynique et puis agressif, ça, quelquefois, c'est dur à vivre pour l'entourage. Parce que la personne ne se reconnaît même plus. Jamais elle n'aurait répondu, par exemple, d'une telle manière à une personne avant. Parce que c'est un dérèglement hormonal, donc il y a une fatigue qui met dans des comportements qui ne nous ressemblent pas, en gros. Mmh. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Il y a eu ce... Effectivement. Il y a eu... Mais... C'est... Léger. C'est léger, ouais, je dirais que c'est léger. Ça n'a pas été C'est trop léger rude. parce que c'est aussi. Voilà. Là, ce qui me vient, en fait, c'est une situation, mais qui est également pas forcément facile à vivre pour d'autres personnes et puis qui ont un peu le même comportement que moi. Alors, je peux pas dire que c'est directement lié à ce traumatisme. Je comprends. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle, alors il faut le prendre au sens large, hein, comportement addictif. C'est-à-dire que quand on est trop épuisé ou qu'on est dans le burn-out, on a des comportements addictifs qui peuvent se traduire à multiples niveaux. Hein. C'est-à-dire que ça peut être l'alcool, ça peut être des drogues douces, dures, ce qu'on veut, ça peut être la compulsion d'achat, ça peut être la compulsion de milliers de choses, hein. L'addiction à l'écran, enfin une espèce de quelque chose qui nous redonne un peu un élan. Voilà. Est-ce que tu as vécu quelque chose à ce Tout à fait. sujet? Ah oui. Bon, c'était la nature. Ah oui. Alors, j'ai déjà entendu ça, t'es la deuxième personne à me le dire. Moi, c'était la nature, très clairement. Seulement ça, c'est une addiction très positive. La J'en grande suis conscient. différence, voilà. J'en suis conscient. Mais j'avais besoin tout le temps d'être en forêt, de. Ben, je l'ai encore, hein, mais je me rends compte avec en reprenant une activité professionnelle, en finalement en surpassant ses peurs. Que j'arrive à m'en passer. C'est très très bon et c'est un truc quelque chose parce que là en fait on a la chance d'être Oui. dans un endroit magnifique et ça reste un besoin pour moi mais plus une addiction. Oui, voilà, je comprends ce que Voilà. tu veux dire, oui. Parce que c'est quelque chose qui, effectivement, est très sain, parce que ça permet de se ressourcer. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu l'avais, hein, c'est une question de vie ou de Ah mort. oui, le matin par exemple, à 6h30, j'y allais quoi. C'est-à-dire que j'allais me faire ma promenade. Après, ben, j'allais me baigner, faire un tour de vélo, j'allais me baigner. Et encore le soir, j'allais me promener. Voilà, j'avais vraiment besoin. Comme pour prendre un grand bol d'air et puis pouvoir. Ça me rassurait. Ça te rééquilibrait, puis Ça ça me te rééquilibrait donnait, aussi, d'un bon côté, ça te donnait de l'énergie, ce qui était une bonne ressource. Ça aussi parce que. C'est certainement mieux que d'être assis à un bistrot, par exemple. C'est clair, Voilà. c'est clair. Et souvent, en fait, de toute façon, que tu sois addictif ou pas, quand tu pars dans la forêt, tu reviens, C'est pas la même c'est chose. pas la même chose. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait. D'ailleurs, on le dit que ça fait partie des thérapies. Ça fait partie des thérapies. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les troubles cognitifs. Alors, les troubles cognitifs, nous, on parle de troubles de la mémoire. As-tu des troubles de la mémoire pendant ce moment-là? Et surtout pas mal de troubles du sommeil. Ah, voilà. Du sommeil, voilà. De l'attention. Ben ouais. De la concentration. Mais j'ai arrêté pendant 1 an et demi de bosser et moi je voulais reprendre une activité. Mais j'ai jamais eu l'énergie pour le faire. J'ai jamais eu l'énergie pour le faire. Après, ouais, après, pour me dire, j'ai aussi traversé à la fois, j'ai eu deux rencontres, deux magnifiques rencontres, mais qui n'ont pas forcément été faciles. Voilà, parce que tu vis l'amour, tu vis le chagrin d'amour aussi. Ça dépend, oui. Et voilà, après, y a, bon, après, on peut débattre là-dessus, mais. Oui, non, voilà. Et les troubles du sommeil, ils sont situés comment, en fait? Ça a duré longtemps, ça dure encore, ça a été, comment ça s'est passé? C'est un phénomène que je comprends pas beaucoup, mais Ben. c'est souvent la même heure, hein, que je me réveille en fait, hein. Entre 2 et 3 heures. 2 et 3 heures. Aujourd'hui, avant j'allais me promener. Aujourd'hui, moi je refais plutôt un scan corporel pour me détacher du mental qui vient un petit peu et puis pour reprendre un sommeil. C'est trop de pression d'adrénaline et de cortisone dans la journée qui font que la nuit, ça te réveille. C'est une anxiété qui revient la nuit parce que c'est trop d'hormones de stress qui sont en toi et puis qui ne se digèrent pas, donc qui viennent encore titiller ton cerveau, quoi, en gros. C'est compliqué, effectivement. Et les troubles de l'appétit aussi. Ouais, avec un. Bah déjà, en fait, j'essaye là de me rééquilibrer, mais avec un besoin de manger sainement, mais tout en appliquant pas vraiment un régime équilibré. Donc, je m'oriente vers ça. On parle aussi de troubles psychiques et entre autres d'anxiété intense. Est-ce que tu as eu des moments comme ça ? J'ai à la rupture en fait avec Delphine justement. Ça a été un peu. Mais j'ai énormément appris, mais ça a été difficile. Ça a été difficile parce que. En fait, j'ai déjà choisi de partir, donc en Corrèze, où j'étais. Où, voilà, où tu te retrouves loin de tes enfants, loin de ta famille. Et voilà, donc après. Après, ça c'est pas forcément là, on a décidé d'arrêter, mais moi j'avais du mal en fait à prendre mes distances, à dire que c'était fini quoi. Et j'avais tendance à dire que c'était la faute de l'autre quoi, au lieu de prendre ma responsabilité. Et est-ce que tu as eu pendant cette période, enfin au moment où tu as quitté ton travail, de l'agitation anxieuse, mais avec cette propension à devoir parler? Ça s'appelle la logorrhée, hein, donc. C'est un des symptômes de l'épuisement. Ouais. On a beaucoup parlé de. Ouais. Aucun besoin de parler de moi, ouais. De parler. Comme une peur du silence, quoi, en gros. Ouais, je vais quand même pas dire ça, pas jusqu'à là, non. Non, pas jusqu'à là. Mais disons, quand on ne parle pas en parole, c'est le cerveau qui continue, quoi, en gros. Après, il y a eu. Après, oui, non, mais après, il y a eu. Ça, c'est clair que. Le petit hamster, là. Voilà, c'est ça. Ça, c'est clair que lui, dans sa cage, il a donné, quoi. Là, lui, là, oui, là, ouais. Ouais. Parce que déjà, je suis une personne, à la base, avant, très anxieuse. Et pendant cette période-là, justement, ouais, parce que même là, justement, la meilleure mec qui j'étais, en fait, elle me disait, mais. T'es dans ton mental, il y a un truc de dingue, quoi. Et mais c'est elle qui m'a montré, en fait, à un moment donné, j'étais justement dans l'émotionnel et je voulais pas lui parler, en fait. Et elle avait insisté un peu parce qu'elle avait des rendez-vous. Là. Et ok, bon, bah écoute. Et là, elle en a pris plein la vue, quoi. Mais plein la vue. Et à ce moment-là, j'ai vu quelqu'un qui disait, ouais, effectivement, ouais, je suis comme ça. Mais quelqu'un qui s'acceptait totalement. Et j'ai dit, mais putain, mais c'est comme ça que je veux être, moi. C'est ça la sérénité, en fait. C'est accepter tel que tu es. Et j'ai dit, waouh. Et après, l'amour inconditionnel, ça veut dire que là, à ce moment-là, moi, dans la relation qu'on avait, j'aurais dit stop. J'ai dit, c'est fini. Et elle, malgré ça, elle est venue me chercher pour m'enseigner des choses qui, finalement, m'ont un peu sorti de mon ego et puis m'ont vraiment bien fait évoluer. Donc une période vraiment difficile. Ouais. Oui, est-ce que tu avais ce qu'on peut appeler de l'irritabilité, c'est-à-dire être facilement irritable? Ouais. L'épuisement donne souvent ce symptôme. À la base, déjà, je suis quelqu'un qui avait du mal. Je dis je suis quelqu'un qui avait du mal à gérer ses émotions. Qui ne se laissait pas traverser, mais qui était en lutte constante. Là, en fait, on parle justement du hamster dans la tête. C'est une caractéristique propre. Où tu ressasses et où tu es en lutte en permanence. Quoi. Et moi, j'ai vraiment réussi, grâce aussi à Delphine, mais à prendre voilà, un peu de recul par rapport aux choses. Mais c'est vrai, effectivement, qu'à un moment donné, ouais, j'étais blessé pour pas grand-chose. Quoi. J'étais blessé pour pas grand-chose. Ouais. Et ça me. La fleur de peau, quoi. Ouais. En gros. Ouais, ouais. Et puis on parle aussi de chute de l'estime de soi. Bon, ça on en a plus ou moins déjà parlé. Ah là, je commence à la reprendre, mais c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. C'était vraiment une catastrophe. Et d'ailleurs, revenons en fait dans les Vosges. Moi, j'étais parti au départ pour me retrouver. C'est pas ce qui s'est passé en fait. Et pas du tout pour rentrer dans une relation. Je suis à nouveau rentré dans une relation avec le besoin d'aller partout dans les associations. Et pourquoi ? Bien parce que, regardez tout ce que je fais. Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Parce que moi, je ne m'aimais pas suffisamment, moi. Et C'est que là, en fait, où je me laisse complètement traverser par les choses, parce qu'en même temps, j'ai des gens formidables autour de moi, j'ai une famille formidable. Et je me dis, mais j'ai dit, la vie est belle. Laisse-toi traverser par les choses, même si t'es dans un truc où t'as connu quelqu'un qui te plaît, et puis qui... Laisse-toi traverser, et puis il y en aura d'autres, il y aura d'autres personnes, t'as bien évolué, tu salues cette belle relation, salues cette belle personne que t'as rencontrée, et puis voilà, la vie continue, quoi. Et à partir du moment où tu prends tes responsabilités, et puis tu sais ce qui t'arrive, en fait, t'es responsable à 100%, et ben après, t'évolues. Et c'est chaque fois, moi je sais que dans les relations, c'est à chaque fois plus de quelqu'un qui était dans la dépendance affective. Même je me suis même fait arnaquer. Même fait arnaquer. Dans la première relation, tout de suite après la mère de mes enfants, j'ai dit, ah pourquoi est-ce que je commence à communiquer avec quelqu'un? Elle m'a dit, pourquoi ce serait pas la bonne et pourquoi pas? Et je suis rentré dans une relation qui a fini au bout de 2 ans parce que j'en pouvais plus du tout. Après, pensant que j'étais sorti de la dépendance affective, je me suis fait arnaquer sur Internet. Et ensuite, j'ai été avec quelqu'un où je rentre dans une relation où je ne m'aimais pas suffisamment, je n'ai pas respecté ses limites à elle, et du coup, je suis 100% fautif. Et la fois d'après, c'est pareil. Pour avoir avec les deux dernières compagnes qui étaient assez sensibles, le message suivant, aime-toi, toi d'abord. Voilà. Donc les mots sont des biens quelque part. Ouais, c'est. Non, non, si tu arrives à prendre tes responsabilités, tu te rends compte que il y a toujours des cadeaux derrière et puis Est-ce que tu as eu ce qu'on appelle nous dans l'épuisement, des réactions dépressives? C'est pas de la dépression, c'est des réactions dépressives. Est-ce que tu as eu des moments, des états de tristesse? C'est pas franchement un état dépressif, mais un côté baisse de régime, quoi, en fait, baisse d'énergie. Ah tout à fait. Mais j'ai dit, mais j'ai jamais vraiment eu l'énergie pour. Là, je commence en fait, parce que. Aussi, ce qui se passe, c'est que quand t'es plus dans l'action, moins tu fais, moins t'as envie d'en faire. Et c'est. À un moment donné, moi, entre guillemets, si tu. Moi, l'univers m'a emmené ce qu'il fallait. Ça veut dire que quand en fait j'ai eu le boulot là que j'ai. Mais j'ai cru que j'étais dans un sketch, quoi. Mais c'est. J'arrive par rapport à mon employeur, tu poses un CV, je me dis, ah peut-être que ma candidature elle convient pas. Donc j'appelle machin et tout, on me dit, bah non, en fait le site il fonctionne pas. Donc tu rappelles, finalement t'es convoqué à un entretien, t'as deux personnes, et la personne elle arrive en retard. On te rappelle, on te dit, bah si vous voulez, vous pouvez venir tout de suite, je viens, la personne elle est là. Et elle arrive déjà en retard. Et après, quand tu es en attente sur un banc, la personne elle passe devant toi, elle est dans l'escalier, elle te dit, ah vous venez pour l'annonce? Ah ben, il n'y a pas de souci, je pense que ce sera vous, enfin ce sera de toute façon pas moi, parce que je ne me suis pas vendu. Et là, tu regardes autour du dos, et puis tu te dis, mais elle est où la caméra? Et non. Donc voilà, et c'est quelque chose qui ressemble pas à ce que je faisais, mais qui a des notions. Et. Dans un cadre bienveillant, avec des personnes qui sont vraiment bienveillantes et où tu as personne derrière toi et où à chaque fois en fait on s'exprime avec toi, on t'explique bien que c'est cool, tu as le temps, tu voilà. Je veux dire, dans un cadre comme ça, c'est idéal pour reprendre un boulot et puis il n'y a pas, tout est là quoi. Et voici une dernière petite pause musicale avec notre pianiste Auriel, un morceau qui s'intitule Nuée ascensionnelle. Ensuite, nous retrouverons Hervé pour la dernière question de ce témoignage. Thank you. justement, voilà. Notre dernière question, qui en fait tu y as déjà répondu, mais peut-être que maintenant tu peux nous faire un résumé de la chose, c'est et le après. Donc on reprend à la base ce qui t'est arrivé, cette chute, d'accord? Et tu nous as expliqué un peu tout le déroulement de ce qui t'est arrivé et tout. Et comment tu qualifierais, voilà, je vais peut-être te poser cette question de cette manière-là, comment tu qualifierais le après pour toi, après cette chute en fait? Tu ne peux plus jamais vivre comme avant en fait. Ah, ça c'est une très... J'adore, je n'ai pas d'attente, c'est un petit peu comme toi le sketch, je n'ai pas d'attente à chaque fois que je pose une question. Et par contre, je suis toujours étonnée que tout le monde me réponde que, enfin, à cette première réaction. Oui, parce que... tu t'es tellement mis en danger et t'as vu cette évolution de la contrainte sociétale qui a apporté un désordre physique que tu te rends bien compte que le travail c'est pas ce qui est le plus important. Et tu comprends en fait que c'est pas tu vis pas pour travailler quoi. Tu vis pour vivre tout simplement. Et effectivement il faut de l'argent mais c'est pas t'es pas prêt à tout sacrifier pour en avoir et notamment ta santé mentale et physique. Et comment se porte ton âme et ton corps maintenant? Comme j'ai dit, ça a été très difficile parce que j'ai fait une formation là et j'ai dû l'expliquer à un moment donné. C'est que j'étais flippé, mais flippé de me retrouver tout seul. Flippé de me retrouver avec moi. Ah oui, parce que quand on n'a plus le travail, plus la vie privée, plus rien, on coupe avec tout, quoi, en gros. C'est pas vraiment ça, en fait. Non. Non. C'est justement l'estime de soi. Ah, ouais, d'accord. Et toute cette culpabilité. Ah ouais, d'accord. Que tu peux avoir ce jugement, et après cette culpabilité envers toi. Parfois, ah bah tiens, j'ai pas appelé ici. Ah bah tiens, c'est vrai que je suis là, je suis à des kilomètres, mais j'ai pas appelé ci ou ça. Ou... cette culpabilité de prendre soin de toi, finalement. Ah ouais, d'accord. Tu vois, parce que ce que tu le disais avant, en fait, c'est pas ce qu'on te renvoie, en fait. Ouais. Puis même dans la société, il faut se sacrifier. C'est ça. Il faut se sacrifier. Ben, c'est en fait, c'est tout des croyances, en fait, et des programmations qu'on a, qui sont pas faciles à en sortir. En sortir. Et du coup, ça crée en fait une lutte interne. Et du jugement que tu as envers toi. Et où tu peux être très très dur avec toi, mais même dans le relationnel, tu peux créer ça aussi en te flagellant par rapport. Bon, moi, je sais que vu que j'étais pas stable, je pouvais pas rentrer dans une relation. Et j'en étais conscient, c'est pour ça que je voulais pas rentrer dans une relation. Et j'y suis rentré quand même. Et tu peux pas en fait avoir une relation stable quand toi-même professionnellement et personnellement t'es pas stable. Et après, j'ai fait. Et en ne sachant pas gérer mes émotions, je suis rentré dans les limites de l'autre qui avait également subi des traumatismes. Et j'étais en fait dans une culpabilité parce que, voilà, aussi à un moment donné, j'ai pas pu exprimer ça. Parce que la personne était verrouillée. Et il y avait une grosse, grosse, grosse culpabilité. Jusqu'à un moment donné où j'ai dit j'arrête de me flageller, quoi. J'arrête de me flageller. Et je me rends compte aussi que. Maintenant, je me laisse traverser en fait par les choses. Je suis plus en lutte. Ça veut dire quand ça arrive et l'émotionnel arrive, je regarde en fait ce qu'il a généré, qu'est-ce qui se passe, et je me laisse traverser par ça. Comment tu pourrais qualifier ta vie maintenant par rapport à ce qu'elle a été auparavant? Mais moi, depuis 2 ans et demi, c'est comme j'ai dit, en fait, tu apprends souvent en fait dans la douleur, mais alors quel bonheur de prendre les cadeaux derrière. Parce que ça t'allège en fait. Ça t'allège dans ta relation aux autres, dans ta façon de voir les choses, dans ton ouverture. Enfin, pour moi, ça a été vraiment... j'ai beaucoup appris, ouais. J'ai beaucoup appris sur moi, sur ma façon d'être aux autres. Et puis, comme j'ai dit, c'est de s'accepter. Et c'est à travers les autres que tu te vois toi, en fait. Mm-hmm. Parce que finalement, t'es pas différent des autres, en fait. Mm-hmm. Et c'est quand tu comprends ça, mm-hmm. en t'acceptant, qu'en fait, ben, t'arrives à avoir de l'amour pour toi, en fait. Et c'est ça. C'est ça, l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est d'arriver à être bienveillant mm-hmm. avec soi. Mm-hmm. Mm-hmm. Ben... Hervé, on te remercie beaucoup. L'association te remercie. Au plaisir. Pour très belle interview. Merci. Moi, je suis personnellement très touchée par ce que tu as dit, parce qu'il y a des choses vraiment très importantes, effectivement. Mais je pense que c'est important, en fait, de pouvoir les dire, de parler. Parce que c'est quand tu en parles avec les autres, en fait, que finalement, tu les acceptes, que tu acceptes ce qui t'arrive. Mmh. Mais c'est tellement important d'en parler pour pas cristalliser les choses en soi aussi, parce que quand on les évacue pas, ben ça reste et après ben ça, ouais, ça peut donner des maladies, ça peut ouais. Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir se libérer de cette manière là d'en parler. C'est essentiel, je pense. Ça correspond au besoin de l'association de faire des campagnes où les gens parlent, parce que pour nous également, ben, je traduis la même chose que toi, on essaye de faire de la sensibilisation en faisant parler. On ne sait pas ce que ça va donner, mais faire parler, je rejoins ce que tu as dit, ça évite la cristallisation, ça met une fluidité. Qu'est-ce qui naîtra de tout ça? Ben, j'en suis un peu où tu en es toi, c'est-à-dire que moi je laisse passer, je laisse aller les choses, je ne sais pas, on verra. Mais au moins faire parler. Et puis après, on verra. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage, Hervé. Merci beaucoup à toi, Catherine, aussi, pour m'avoir accordé cette interview et puis d'avoir créé cette association, en fait, pour permettre aux gens, justement, de pouvoir se libérer et de pouvoir avancer par rapport à ces burn-out qu'on peut vivre. Pour en arriver à dire que notre but ultime, c'est que les victimes ne se sentent pas coupables. Ça revient à ce que tu as dit. Parce que dans la société actuelle, les victimes sont coupables et nous, ça, on n'est pas d'accord du tout. C'est vrai. Se déculpabiliser, c'est important. C'est essentiel. Voilà, merci beaucoup, Hervé.